problème mental quand on perd la foi. Mes sentiments te rongent, gentiment te plongent. Plus de place pour les anges, que des mauvaises ondes et tonnerres qui grondent. C'est la merde dans ce monde, on l'a compris. En attendant, on garde nos faces petit à petit. Le concept, rester fidèle à nos convictions. Discipline, clé de l'assurance pour une bonne gestion. Ne pas baisser les bras malgré tous ces coups bas. Solidarité comme dans la vie de tout bas. Et tout ça fait le monde dans lequel tu vis. Et chaque seconde, tu ressens ton cœur. Les choses ont changé trop vite. Des amis deviennent des étrangers. Des pensées horribles me démangent. Mes démons me suivent. J'essaye de m'échapper. Faut que j'oublie. Je médite sur ma life. Des fois, je pète les plans. Je me dis, faut que je quitte la Suisse. Mais c'est la même partout. Car ta conscience, tu la portes comme un tatou. Âge, je prends de l'âge. Des rides sur mon visage. On coupe les fonds de nos tiers pour éviter le triste atterrissage. C'est la base. Amour et loyauté dans ce monde sans pitié. T'es bon pour la tombe sans billet. Dur de s'identifier. Quand la vie fait le mal, les apparences sont composées. Ton ta vision, mais pas ton âme. Alors élève-toi et mets ton combat. La guerre est intérieure, oui elle est en toi. C'est les son nom, rêve, est-ce que tu constates? Je veux pas me prendre la tête, c'est de la beucon. Je regarde les conditions, je garde mon ambition. J'avance gentiment en me disant qu'on est au béton. Disons confusion, faut qu'on débarque en puissance. L'endurance, comme un jour on nique la concurrence. Dans ce monde de chaos, les jeunes ils misent pas au rêve du pain et du gâteau, mais finissent derrière les barreaux. La mort ne connaît pas de pardon, c'est garanti. Fini l'époque, ta galanterie, regarde mon dit, on part en frie. Mise en garde, sache protéger ta vie comme mise en garde. Le mal agit et te bluffe, muni de mauvaises cartes. On aura tout vu, même des sourds dans les opéras. Des religieux bourrés, tatoués, levés devant d'état. Suis ma force dans l'écorce, mon langage pour certains morphes. Un conseil référence en toi, s'élève le gosse qui jadis. Toujours prêt pour le combat, en vie sa tenue sur le champ de bataille. Les victimes sont prévenues. Ok, t'es prévenu. Des esprits faibles sont pas bienvenus. Dans ce monde, on est tous des détenus. Arrogants, se croyant des êtres élus. Personne ne souhaite la santé à part quand t'éternues. Des mecs perdus, sans pitié, me disaient quoi? Que la vie elle est courte, sec et rude. Sexe et pute, drogue et armes. Trahison, soi-disant notre nature. Bienvenue dans ma prison. Ayo, NATF, ISO au micro. La fusion du volcan, l'éruption. Tech de barge à l'instant, soi-disant pour les mendiants. Alcoolo et battant, les battants et squattants. Frappe à coups de bâton, une baston de regard. Une biaque sur le trottoir. Ayo mon frère, quoi? À chacun son heure de gloire. Ce monde la merde, tu perds la tête, on traite ta tech. Même le mec est étranger, a des convictions, check. A des convictions, check. Yeah.